Chapitre 13. Les réflexions du docteur Patrice. Le premier étonnement passé, et aussi les premières répugnances et objections qu'il avait opposées d'instinct à la proposition de René, Patrice en venait peu à peu à considérer d'un tout autre œil cette expédition sous-marine qui d'abord lui avait paru extravagante. Il n'y avait plus à douter de l'authenticité des récits du voyageur. Comme quelques mois auparavant, lorsqu'il avait retrouvé René sur son lit d'hôpital, son coup d'œil de médecin lui défendait d'admettre un seul instant l'hypothèse de la folie. La loyauté de Kermadec ne pouvait davantage être mise en question. En outre, ceci n'était que le second côté de ce drame surprenant, bien plus facile à croire une fois que le premier était accepté. Enfin, le bon Kermadec paraissait si bien à son aise au milieu des merveilles qu'il narrait, ses plongeons étourdissants jusqu'au fond de la mer, ses excursions dans des jardins et des palais enchantés, par-dessus tout, le privilège de voir ces personnages quasi divins, de leur parler, d'être admis en quelque sorte à leur intimité. Tout cela avait fini par piquer l'émulation du docteur et réveiller chez lui l'esprit d'aventure. « Et quoi ? » ruminait-il. « L'occasion la plus belle, la plus rare d'élargir mon champ d'expérience m'est offerte. Et je la laisserai échapper ? Moi, voué par profession à augmenter, dans la mesure de mes forces, le trésor du savoir humain, à lutter contre les ténèbres qui nous pressent de toutes parts, qui nous dérobent non seulement la cause et le but des choses, mais encore ce qui nous touche de plus près, des faits qui se passent à nos pieds, l'histoire, le sort d'une race parente de la nôtre. J'aurai la chance unique d'être à même de soulever un coin du voile qui nous cache tant de mystères, et je ne la saisirai pas. Qu'est-ce qui l'arrêterait, en somme ? La crainte ? Jamais. » Patrice pouvait sonder son cœur et se rendre cette justice que pas une de ses fibres ne frémissait à la pensée du terrible hasard qu'il était prêt de courir. Qu'autant que le vaillant Caudal ou le simple Kermadec, il saurait affronter les épouvantes de l'océan. S'il avait eu une famille, il aurait eu quelque excuse à alléguer vis-à-vis de lui-même. Mais qui porterait le deuil sur la terre si Étienne Patrice disparaissait de ce monde ? Certes, il savait que Madame Caudal lui donnerait des larmes et ses amis de sincères regrets. Était-ce là de quoi l'arrêter ? Non, il ne se le dissimulait pas. Maintenant qu'une grande décision à prendre le forçait à regarder au fond de lui-même, à faire un examen de conscience depuis longtemps différé, ce qui le retenait, ce qui lui avait tout d'abord inspiré cette répugnance à partir, c'était en réalité le déchirement qu'il éprouvait à se séparer d'Hélène, l'involontaire protestation de son être à l'idée de lui dire un adieu peut-être éternel. Tous ces derniers événements, tant d'émotions mises en commun, les avaient encore rapprochés, et, sans jamais se départir de sa stoïque résolution de silence, le jeune docteur avait eu tant d'occasions de prouver son cœur délicat, son âme haute, son esprit aimable, son dévouement sans borne, qu'il avait à son insu plaidé sa cause. Si bien que Mademoiselle Rieux avait fini par sentir se fondre en elle le farouche parti pris d'abstention que nous l'avons entendu déclarer si catégoriquement à son amie, Mademoiselle Luzan. Qu'elle fut sur le chemin d'intervertir les rôles, et, comme la reine Victoria le raconte dans ses mémoires, de faire elle-même la demande en mariage de son prince consort, il s'en fallait de beaucoup, certes. Elle était trop au-dessus de la misérable question de fortune qui se dressait en obstacle entre elle et l'homme qu'elle avait choisi. Elle avait le sentiment trop juste de sa dignité pour en arriver jamais à une pareille extrémité. Mais enfin, il est avec le ciel des accommodements. Elle s'était jurée, c'est vrai, que jamais elle ne ferait d'avance. Mais elle ne s'était pas engagée à décourager son chevalier par d'éternelles rebuffades. Rien ne l'empêchait d'être charmante avec lui, telle qu'elle était, par exemple, envers cet excellent commandant à Harocourt, ou cette aimable enseigne des Bruyères, ou tant d'autres. Au fait, N'était-ce pas confesser une préférence que de se montrer avec lui plus réservé qu'avec des simples connaissances, lui, un ami ancien, éprouvé? Vraiment, elle avait manqué de tact. Vite, il fallait réparer cette erreur et, en restant uniformément naturelle, prouver la liberté de ses affections. Et forte de ce beau raisonnement, Hélène était redevenue elle-même vis-à-vis de lui, c'est-à-dire si gracieuse, si bonne, si amicale, que 10 fois par jour, il se voyait sur le point d'envoyer au diable le cauchemar de sa dot et de lui poser bravement la fatale question. Voilà où il en était. Évidemment, il fallait enrayer. Le plus tôt serait le mieux, et l'invitation de René venait juste à point pour l'empêcher de se commettre, de faire une démarche dégradante. Allons, il n'était que temps de tailler dans le vif, quoi qu'il pût lui en coûter. Et comme le docteur était aussi ferme de caractère qu'il était doux et simple de manière, résolution prise chez lui, c'était résolution exécutée. D'un ton bref, il annonça à Kermadec qu'il était prêt à s'embarquer avec lui, communication que le brave matelot reçut sans sourciller, et, l'ayant congédié pour quelques heures, il se rendit auprès de Madame Caudal. Certes, le bon docteur usa de tous les ménagements que peut suggérer l'affection la plus délicate pour atténuer le choc que devait apporter la bienheureuse, l'étonnante nouvelle au cœur si éprouvé de sa respectable amie. Rien ne saurait rendre la joie, l'admiration, l'extase de la pauvre mère en apprenant les exploits extraordinaires de son René, en relisant 100 fois les lignes tracées par sa chère main, en s'assurant qu'il était au nombre des vivants, qu'elle avait espoir de le revoir. Dans la tempête d'émotions joyeuses qui succédait à sa morne désolation, toute son ancienne hostilité contre ce monde mystérieux qui avait attiré son enfant se trouvait balayée comme par enchantement. Toute son antipathie pour le vieillard majestueux que René lui avait décrit et pour son ondine de fille avait fait place au plus franc intérêt, à la plus vive gratitude. Il donnait l'hospitalité à son fils, il le lui gardait vivant, lui qu'elle avait cru ne plus revoir. Évidemment, elle ne leur avait pas rendu justice, elle avait cédé à un préjugé, esclave de cette routine qui nous rend soupçonneux de toutes choses sortant de la route battue. Oui, oui, il fallait aller soigner ce vénérable ancien, tâcher de le conserver à cette jeune fille dont il était l'unique appui. Ah, Dieu, elle savait ce qu'on souffre de pareil deuil, et que c'était donc généreux et bon à Étienne de partir comme cela, au premier signe, aussi simplement que s'il était appelé de l'Orient à Brest. Il n'y avait que lui au monde pour ses dévouements sans phrase. Mais ce n'était pas d'aujourd'hui qu'elle le connaissait, n'est-ce pas? N'était-il pas son enfant, tout comme René et Hélène? Et la bonne dame allait, disant son immense joie. Elle avait du courage ni de 10 ans, elle était transfigurée, et plus d'une fois, tandis qu'elle laissait déborder son cœur, Mademoiselle Rieux et Patrice avaient échangé un regard ému. « Et toi, ma brunette ?» dit soudain Madame Caudal en passant la main sur les beaux cheveux d'Hélène, qui, assise près d'elle sur un tabouret, avait appuyé la tête sur les genoux de sa tante. « Je te trouve bien silencieuse. Crois-tu, petite masque, que je n'ai pas toujours vu combien tu étais du parti de ton écervelé de cousin ?» Ah, tu peux le louer ouvertement de sa foi, de sa ténacité, notre vaillant René. Ce n'est pas moi qui te contredirais. Et notre cher docteur, n'as-tu pas un mot de gratitude, d'admiration pour son courage? Pense donc, aller s'enfermer quand on n'est pas marin de profession, dans ce torpilleur fragile, plonger hardiment jusqu'au fond de l'abîme, s'exposer à des risques sans précédent, et cela pour soigner son semblable, pour revoir un ami. Ne le vantez pas trop, ma tante, interrompit Hélène en relevant la tête et montrant 2 yeux brillants d'enthousiasme et de malice combinés. Ma modestie me défend d'entendre louer un mérite que je désire partager. Que veux-tu dire? S'écria Madame Caudal, tandis que le docteur, silencieux, attendait avec anxiété ce qui allait suivre. Ceci, tout simplement, Moi aussi, je veux, avec votre permission, me confier aux torpilles Titania, descendre au fond du gouffre, voir le palais merveilleux, embrasser mon cher cousin et, s'il agrée mes soins, me joindre à la charmante Ondine pour exécuter les ordonnances de la faculté et rendre à la santé le vieillard de la mer. Tu rêves ? Tu plaisantes ? Tu ne saurais parler sérieusement ? S'écria Madame Caudal confondue. Pas sérieusement ? Se récria Hélène, dont le charmant visage prit un air d'énergique vouloir. Ma tante, c'est du fond de l'âme que je vous demande licence de me joindre au docteur Patrice pour aller retrouver mon cousin, votre fils unique, et lui apporter des nouvelles de ceux qu'il aime. Impossible ! Impossible, ma fille ! Fit Madame Caudal, émue, agitée, soudain convaincue qu'Hélène ne songeait nullement à plaisanter. Pourquoi impossible, chère tante ? Mais, mon enfant, pareille chose ne s'est jamais vue. Il faut un commencement à tout, tante Alice. Jamais je ne te laisserai descendre au fond de la mer, courir ces risques épouvantables. Est-ce que René n'y est pas allé ? N'en est pas revenu sain et sauf ? Oh, lui ! Dit la mère avec un éclair d'orgueil. Et Kermadec ? C'est un marin. Et le docteur ici présent ? Riposta Hélène, dont la malice ne chômait jamais longtemps. Consentez-vous donc à le laisser s'exposer à des périls trop terribles pour moi ? Oh, la petite peste ! S'écria Madame Caudal assez déconfite, tandis que Patrice protestait en souriant. Ce n'est pas du tout la même chose, mademoiselle. Prouvez-le. Moi, je vous démontrerai au contraire que pour vous, pour moi, pour tous ceux, enfin, qui seront simples passagers à bord de la Titania, les risques sont les mêmes. Prenez-moi ou prenez un Hercule comme compagnon. Si nous sommes, lui et moi, également ignorants dans l'art de manœuvrer le torpilleur, nous serons aussi inutiles l'un que l'autre. Nos risques seront égaux et, au cas d'un accident, sa force et ma faiblesse se trouveront être deux quantités non égales, mais équivalentes. Voilà qui va fort bien, répartit Madame Caudal mécontente. Et ceci s'appelle ergoter, ou je ne m'y connais pas. Mais dites-moi, mademoiselle, si vous trouveriez bien convenable de voyager seule, sans chaperon ? Sans chaperon, mais non pas sans protection, reprit Hélène avec un franc regard qui alla droit au cœur du docteur Patrice. Et puis, ajouta-t-elle en riant, je vous demande un peu qui pourrait me servir d'escorte dans cette aventure. Serait-ce ma vieille nounou, ou votre femme de chambre, ou tout autre dignitaire de votre suite ? Je crois qu'elles y feraient pauvre figure, et qu'il vaudrait mieux m'en tenir au docteur comme garde du corps, au docteur qui n'a encore rien dit par parenthèse, et qui paraît accueillir sans enthousiasme l'idée de m'avoir pour compagne de voyage. Le docteur Patrice, que cette proposition inattendue avait jeté dans une assez grande perplexité, ne put s'empêcher de rire en se rappelant que c'était justement pour s'éloigner d'Hélène qu'il avait précipité sa décision, et sans se défendre de l'accusation qu'elle lui lançait. « Vous ne sauriez croire, dit-il tranquillement, combien j'étais loin, en effet, de penser à vous emmener quand je suis venu vous faire part de mes projets. » Hélène était trop fine pour ne pas démêler, au moins en partie, ce que cachait cette apparente incivilité. « Je croirai tout ce que vous voudrez à cet égard, » reprit-elle avec un calme égal au sien. « Mais maintenant que vous voilà prévenue, consentez-vous à m'emmener ?»« Très volontiers, si Madame Caudal le veut bien. »« Ah, ça, mes enfants, à quoi pensez-vous ?» plaça ici la vieille dame. « Croyez-vous de bonne foi ?» que je donnerai jamais mon consentement à une pareille folie. Jamais je ne laisserai Hélène s'éloigner de moi, jamais, excepté si plus fort que moi me l'enlève, ajouta-t-elle avec un sourire. Puis, reprenant son sérieux et même un peu de sévérité, « Docteur, je suis surprise que vous ayez accepté une minute un projet aussi déraisonnable. Il n'a pas beaucoup poussé à la roue, c'est justice à lui rendre, » dit Hélène. Tandis que Patrice se tensait à part lui pour le désappointement qu'il éprouvait, tout en s'efforçant, comme d'habitude, de n'en rien laisser paraître. « Oh, bonne tante, tante chérie !» reprit Hélène, qui se jeta à son cou en pleurant. « De grâce, ne dites pas non définitivement. Mon cœur se brisera si vous refusez. »« Hélène, je ne te reconnais pas !» dit Madame Caudal d'un ton de reproche. Toi, d'habitude, ma force, mon soutien, on dirait en vérité une enfant gâtée qui crie pour avoir la lune. Il y a une heure, tu connaissais à peine l'existence de ce monde merveilleux et te voilà désespérée parce que l'entrée t'en est refusée. Je te le répète, je ne reconnais pas ma sage, ma raisonnable Hélène. Ah, ma tante ! Fit la jeune fille avec explosion. Ce n'est pas un rêve d'une heure, c'est le rêve de toute ma vie que j'ai cru voir se réaliser. Je suis né marin, moi, vous le savez bien. Les rumeurs de l'océan qui ont bercé mon père et mon grand-père, je les ai toujours entendues, j'en ai toujours eu la nostalgie. Quel regret, quel amer déboire quand j'ai vu partir René et qu'il m'a fallu rester attaché au rivage. Jusque-là, j'avais presque compté que, par une grâce du ciel, je pourrais un jour faire ces voyages si beaux, si libres, si émouvants, et ne croyez pas au moins qu'il y ait ingratitude envers ceux qui m'aiment. Pour adorer la mère, René est-il moins bon fils, ami moins parfait? Mais qu'ai-je besoin de plaider devant vous qui me connaissez? Vous le savez tous les deux, fille de gens de mer, j'ai été marquée de leur sceau, je me suis toujours sentie irrésistiblement attirée vers tout ce qui les touche, leurs entreprises, leurs dangers et leurs gloires. L'audacieuse aventure de René, je puis dire que je l'ai vécue avec lui. Il m'en a confié les angoisses, les espérances, les péripéties. Et s'il ne l'eût pas fait, je crois vraiment que je les aurais devinées, tant je m'étais identifiée à sa vie. Tout à l'heure, quand le docteur nous a annoncé qu'il partait, j'ai éprouvé un désir si irrésistible de le suivre que j'ai cru un moment le voir exaucé. Tante Alice, bonne tante, ne me refusez pas. « Chère petite, chère enfant, » dit Madame Caudal irrésolue, ébranlée, « que puis-je te répondre ? Étienne, venez à mon aide !» Le docteur marchait de long en large, très ému lui aussi par le plaidoyer d'Hélène, et bien près de trouver que ce qu'elle souhaitait avec tant d'ardeur devait, après tout, être juste et faisable. « Que dirais-je, chère madame ? » fit-il en s'arrêtant devant elle. « Et comment combattrais-je sans armes ? » Pour vous aider, comme vous voulez bien me le demander, il faudrait être convaincu que le projet de mademoiselle Hélène est insoutenable. « Et quoi, vous aussi ?» s'écria madame Caudal abasourdie. « Mais c'est donc une conjuration ?»« Aucunement, » dit le docteur. « Il n'y a qu'un instant, j'étais aussi éloigné que vous d'admettre la possibilité de voir s'embarquer dans cette entreprise hasardeuse. » Une jeune fille délicate ou même simplement un homme de courage incertain. Je n'étais pas loin, comme vous voyez, ajouta-t-il avec bohémie, de me décerner à moi-même un brevet de vaillance pour l'acte si naturel et si peu héroïque de mettre le pied dans un navire admirablement aménagé et de là me laisser mener sans chaos ni encombre vers une région qui tenterait la curiosité du voyageur le plus blasé. Tout ce qui n'est pas habituel étonne facilement notre âme routinière. La confiance absolue, l'absence d'hésitation de mademoiselle Hélène vient de m'ouvrir les yeux. Dans ce torpilleur construit sous la direction d'un esprit de premier ordre, nous serons, en somme, plus en sûreté qu'ici même, sous ce toit édifié peut-être par un architecte ignorant, et dont nous ne saurions en tout cas constater le plus ou moins de stabilité, tandis que la maison mouvante, œuvre de René, est la perfection du genre, nous le savons. Enfin, madame, l'argument que mademoiselle Hélène vous donnait tout à l'heure, en se jouant, a beaucoup de force. Soyez certaine que, si René m'invite à l'aller rejoindre dans son torpilleur, c'est qu'il s'est assuré, au péril de sa vie, que l'entreprise n'offre désormais aucun danger pour les autres. « Ah, docteur !» s'écria Hélène ravie. « Que tout cela est vrai, que vous êtes bon, que je vous remercie !» « Je reconnais, » dit Madame Caudal, après un moment de réflexion, « que ce que vous dites paraît fort juste. Reste toujours, néanmoins, la question de convenance, d'étiquette, si vous voulez. Hélène ne peut pas s'en aller seule avec vous. »« Oh, tante Alice !» s'écria Hélène. « La sotte étiquette ! Quelle Anglaise ou quelle Américaine hésiterait à le faire ? Et en quoi, je vous prie, serait-elle blâmable ?» « Les Anglaises et les Américaines ont leurs mœurs et nous les nôtres, » dit Madame Caudal. « Loin de moi de blâmer des jeunes filles qui obéissent, honnêtement et avec l'approbation de leurs parents, aux usages établis dans leur pays. Mais il ne convient jamais, et à une femme surtout, de rompre avec le code établi des convenances. En tout cas, je ne saurais prendre une telle responsabilité, quoi qu'il m'en coûte de te dire non, ma chérie. » Hélène demeura un instant pensive. « Pourquoi ne viendriez-vous pas, tante Alice ? » dit-elle soudain. Le docteur et madame Caudal eurent une exclamation de surprise. « Moi ? Quelle folie ! Mais oui, dit Hélène simplement. « N'en avez-vous pas envie d'abord ? Envie ? Envie ! Tu as vraiment l'air de croire, petite futée, qu'on peut faire tout ce dont on a envie dans ce monde. Si on y met de la volonté, dit Hélène avec un joli mouvement de sa tête brune, et si ce qu'on veut est bon et légitime. Voyons, tante chérie, vous êtes convaincue que l'expédition n'offre pas de danger sérieux, puisque vous m'y laisseriez engager sans la question de forme. Or, ce que vous ne craignez pas pour moi, j'en suis mille fois sûre, vous le craindriez moins encore pour vous-même. Et pensez, chère tante, une fois cette décision prise, le pas franchi, tout cela vous paraîtra si facile, et en moins de 5 ou 6 jours, vous reverrez votre René, vous le presserez dans vos bras. Ah, mon enfant, que me dis-tu ? C'est trop beau ! S'écria la mère tremblante. Étienne, est-ce possible ? Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre tous la raison ? Non, chère madame, il ne s'agit en somme que de s'habituer à une idée dont la nouveauté nous confond. C'est mademoiselle Hélène qui a raison, et sa trouvaille est merveilleuse. À mon âge, m'embarquer dans une pareille aventure ? Votre âge, dit Hélène indignée. Est-ce que vous avez un âge, tante Alice, excepté celui que peut avoir la plus charmante femme de France ? Très bien, dit madame Caudal en riant. La vérité, c'est que je me sens parfaitement forte et que je ne crois devoir vous causer aucun embarras. Mais cependant... Allons visiter la Titania, voulez-vous ? Proposa le docteur Patrice. Peut-être cet examen vous décidera-t-il ? Voilà une idée ! S'écria la bonne dame, qui, ayant entrevu l'idée d'embrasser son fils dans quelques jours, ne demandait plus au fond qu'à se laisser vaincre et convaincre. On partit joyeusement en voiture pour la petite anse où mouillait le torpilleur. L'intérieur du bateau fut passé en revue. Ainsi qu'on l'a dit, il était des plus confortables et propre à recevoir 5 ou 6 personnes. On ne marchanda pas l'admiration à ce chef-d'œuvre qui faisait tant d'honneur à l'esprit d'invention de René. Madame Caudal, qui avait maintenant plus envie que personne de hâter la conclusion, déclara qu'il n'y avait rien d'absurde à un voyage dans un pareil navire. En quelques heures, le léger bagage des voyageurs fut préparé et transporté à bord, la nuit venue. On était tombé d'accord qu'il n'y avait point d'utilité de communiquer à personne le secret de cette expédition. Kermadec, qui jamais ne s'étonnait, avait vu arriver les deux dames avec la plus parfaite sérénité. Une fois chacun installé, le docteur donna le signal du départ et la Titania mit le cap sur les Açores.